8 et 7. Leçon 1, page 80. Dans un café. Sabine et Christelle sont deux étudiantes allemandes de 23 et 25 ans qui résident à la cité universitaire. Bon, d'accord. Les jeunes françaises sont peut-être les plus jolies du monde. Encore que ça, c'est difficile de l'établir. C'est un peu une question de goût. Elles sont très soignées, ça, il faut le reconnaître. Mais elles n'ont aucune personnalité. Ce sont des têtes vides, des automates. Il n'y a pas moyen de se faire d'amis parmi elles. Elles n'ont rien à donner en tant que compagne. Il y a là un vide, une pauvreté intérieure qui fait presque pitié. En d'autres termes, tu penses que les qualités des jeunes françaises sont superficielles et esthétiques ? Mais qu'elles n'ont pas de qualité de cœur, au fond. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Comment tu comprends ça ? Je pense que tu te sens très différente de ces jeunes filles et que tu as tendance à les juger. Tu les juges inférieures à toi pour leur qualité de cœur. Mais à cause de leur apparence, tu crois qu'elles se sentent supérieures. Oui, c'est ça. Toi qui vis ici depuis longtemps, qu'est-ce que tu me conseilles ? Dans un train. Thomas et Julie séjournent depuis quelques mois aux États-Unis. L'un est étudiant, l'autre travaille en entreprise. C'est drôle. Au début de mon séjour, j'avais l'impression que toutes les portes s'ouvraient. Les Américains sont tellement sympas. Ils te disent bienvenue sans arrêt. Et puis là, 6 mois plus tard, je suis terriblement frustrée. Je ne suis invitée nulle part. J'ai l'impression d'une sympathie de pure façade. J'ai l'impression que derrière la cordialité apparente, il n'y a qu'une immense indifférence. Si je comprends bien, tu as été très enthousiasmée au début, tu as pensé que ton intégration allait être facile, et maintenant, tu as le sentiment d'avoir été trompée, de t'être finalement enthousiasmée pour rien, pour te retrouver peut-être encore plus seule qu'avant. Voilà, c'est ça. Je me sens un peu abandonnée par ceux à qui j'avais proposé mon amitié.